Allez, encore quelques verres et j'en aurais plus rien à foutre. Vous remettez ça? Bah, c'est drôle, on a l'impression que vous vous forcez. Vous n'aimez pas ça? Sinon, je peux pas écrire. Comment ça? Un matin, en me réveillant après une nuit de beuvre, je me suis rendu compte que dans la nuit, j'avais écrit. Oh, vous êtes vraiment un artiste, vous. Non, parce que moi, quand je bois, je dors aussi, mais quand je me réveille, j'ai pas écrit, j'ai vomi, c'est tout.